Bonjour, direct 27 mai 2023. Donc on va attendre que les gens arrivent. Je ne sais pas si vous avez vu hier, finalement, bon. J'ai fini par écouter le témoignage de l'avocate Myriam Bohémier. Puis elle explique bien là, pourquoi c'était changé aux 10 jours. Moi, je le vois comme ça, là, parce que ceci engendre cela. C'est que dès que vous contestiez les mesures, étant donné que les mesures étaient changées aux 3 jours, quand vous arriviez en cours, puis les mesures avaient été changées depuis, là, ça venait ce qu'on appelle débat théorique, puis tout était irrecevable. Ben le fun. Bonjour Corinne. Pauline, bonjour. Donc, qu'est-ce que j'ai vu donc aussi? Jortek, ah, bonjour. Donc, moi, ouais, c'est assez clair, là. Pourquoi, au bout de 3 jours, il changeait, puis pourquoi il faisait tout pour que ce soit dur à suivre, hein? Mais c'était possiblement pour des raisons légales, pour en cours, pour, c'est dans le fond, c'est de l'obstruction, là. C'est créer de l'obstruction. Bonjour, Martin. Bonjour, Clarisse. Bonjour, l'oiseau moqueur. Roselyne, bonjour. Bon, ben bonjour tout le monde. Puis, est-ce qu'il y a des sujets? Elle, Myriam Bohémy, je l'ai trouvée vraiment... Hey, bonjour, Todd. Ben, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Parce qu'en tant qu'avocate, elle l'explique. Hein. On voit que, ouais, c'était voulu comme ça. C'était voulu comme ça. Puis qu'il y avait des raisons pourquoi il c'était aux 10 jours, il changeait les règles, puis pourquoi ça changeait tout le temps. C'était vraiment pour, au niveau des tribunaux, créer l'obstruction. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, c'était ça le résultat. Puis très intéressant. Parce que ça, je l'avais, je veux dire, je suis pas avocat, là. Fait que là, bonjour, Mister Guerrière. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, donc? Il y a une affaire qui est quand même intéressante. Mais qu'est-ce que. Je n'écoutais un autre aussi. Un autre, ça a donné. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais elle, Myriam Bohémier, là, l'avocate, on comprend un peu plus. Hein. Bonjour aux échangés. Bonjour Mimi. Puis. C'est drôle, hein, parce qu'à un moment donné, pendant son témoignage, elle a dit ben, moi, j'ai tout le temps dérangé, là, j'ai les cheveux rouges. Puis pourtant, moi, je la trouvais bien normale. En tout cas, mais bon, peut-être c'est vrai. Il voit pire que ça en cours, ça, je peux vous le dire. Il voit pire que ça. Il y avait un avocat ici, là, on n'entend plus parler. Lui, là, il y a des clients, il payait en coke. Encore, ça c'est moi. Bonjour Mimi, bon, je l'avais dit. Quelle est la portée légale future des témoignages assermentés? Moi, le fait que c'est assermenté, c'est surtout parce que ça donne une structure, je pourrais pas dire, parce que dans le fond, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est déposer des recommandations. Puis moi, je crois pas en la commission en tant que telle, moi je crois en les témoignages, puis leur diffusion, puis l'effet que ça peut avoir à long terme. Si ça se promène, puis si... si on crée des archives, on garde des traces, puis on les promène, puis on les diffuse, puis bon. Hey, bon matin. Je bois mon thé avec toi. L'avocat payé en coke. On en a comme ça à Trois-Rivières. Ben, ça doit être hein, Trois-Rivières. Trois-Rivières, ouais. Ben, on le sait. Dès qu'une ville est quand même. En tout cas. Ben, Trois-Rivières, c'était là que le père de Duplessis était juge. Néré Duplessis. En tout cas, ben, c'est une belle ville. C'est une belle ville. Il y en a un peu partout. Ben oui. On a même eu un juge. Que lui aussi, il aimait bien ça. Mais ça, les juges. En tout cas. Moi, dès qu'un avocat est nommé juge, je me demande qu'est-ce qu'il y avait. Bon, je vais faire attention à ce que je dis, là. Mais, moi. Ouais. Y a-tu des sujets? Est-ce qu'il y avait des sujets? C'est dur. Madame Bohémie est correcte, mais il lui manque le fini TVA qui pourrait convaincre ma belle-mère, moi. Ben, il reste un avocate, là, je veux dire, elle sait ce qu'elle parle, puis c'est vérifiable. C'est public, la justice. Quand il y a une décision qui a été rendue, ben, il y a possibilité de la consulter. Ils ont fini par remettre au TVA. T'sais. Moi, c'est le contraire. Je trouve ça suspect quand ça fait que TVA couvre, là. Ça devient suspect. Mais bon, je peux comprendre. Là, ouais, c'est ça qui est ça. De quoi aimeriez-vous parler pour faire surgir la joie en vous? Bon, non, je pourrais. Pas besoin de ça. Voyons, là. Moi aussi, c'est le contraire. Ouais. C'est où déjà qu'on peut voir la commission citoyenne? Ben, ils ont un site, vous prenez les initiales, là, comme vous les écrivez sur Google. Mais hier, j'essayais d'aller revoir des vidéos sur leur site, puis j'arrivais pas. Mais leur site, il est mal fait. Il est mal fait. J'aime pas leur site. Le silence médiatique est aberrant quand même. Et en même temps, c'est mieux de même, pas sûr. Mais tôt ou tard, ils n'auront pas le choix, là. Parce que là, ils ont l'air fous. Ils ont l'air fous. Puis bon, je le sais qu'ils se font achaler. Il y a du monde qui écrive aux journalistes. Il va finir par avoir des plaintes au conseil de presse parce qu'ils ne couvrent pas, tu sais. Mais là, c'est parce qu'il faut que, premièrement, faut que des gens contactent des journalistes qui leur demandent de couvrir. Il faut que ce soit des gens qui ont participé à. Puis là, après, il faut qu'ils fassent un archivage des réponses qu'ils reçoivent du journaliste, puis blablabla. Puis là, après, fait que ça va prendre un peu une grosse diversion pour flouer le peuple. Je trouve pas. L'important, c'est qu'il y a eu quand même une tribune, puis qu'on archive des témoignages de gens. Puis moi, ce que pour ça, moi, c'est les témoignages de la commission en tant que telle. Là, je pense pas que ça va donner rien. Mais il reste que, bon, les témoins en plus sont assermentés, puis ça crée des archives des gens assermentés qui témoignent. Il y en a une, je sais pas si vous l'avez vue, la militaire là, qui a les services sociaux, ils ont enlevé sa petite fille là, en disant qu'elle était en. Hey, ça, là, c'est incroyable. Incroyable. Je pense qu'il faut tout enregistrer, ça peut disparaître plus facilement. C'est pour ça que je dis au monde, ceux qui ont des disques durs externes, là. Sur Rumble, c'est pas censuré. Ouais, c'est un site que je connais pas bien. Le conditionnement de la majorité est assez fort. Je crois que juste une couverture des médias conventionnels peut avoir un impact. Ouais, sur la majorité. Mais ça, c'est mouvant. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui part de la majorité puis qui vont dans une minorité qui est de moins en moins minoritaire. Le conditionnement de la majorité, OK. Ah, message retiré. Les commissions d'enquête couvertes par les médias n'ont même pas servi. Ouais, mais au niveau des témoignages, pareil, à cette heure, on connaît. Ça a confirmé au moins ce qu'on savait ou ce qu'on se doutait. Maintenant, on peut dire qu'on sait que. Fait que bon. De toute façon, les affaires comme par exemple Bastarache puis Carbonneau, ça, je vois ça comme d'autres choses. Ça, je vois ça comme d'autres choses parce que ça, c'est des commissions qu'il ne peut pas avoir de poursuite contre ceux qui ont témoigné. Mais ce n'est pas le cas de l'autre. C'est pas pareil, là. C'est une commission indépendante. Tu as slacké tes vidéos avec David? Non, ben, ça dépend. C'est lui qui me le demande de faire des vidéos. Donc, s'il ne me sollicite pas, je pense pas. L'oiseau manqueur, ce serait pas surprenant que ça disparaisse. Ben oui. Plaisir. Ah. Ouais, pour les victimes, être entendu, peut-être les aider quelque part. Ben, là, même plus que ça. Plus que ça. Moi, l'affaire qu'ils changeaient les mesures aux 10 jours, puis que dans le fond, ça créait de l'obstruction dans les tribunaux, puis ça empêchait les gens qui subissaient des préjudices de pouvoir se défendre. On comprend pas mal plus. Moi, en tout cas, en l'écoutant, l'avocate, là, parce qu'elle a défendu, elle a fait du droit familial, puis du droit du travail. Puis c'était intéressant. C'était plus qu'intéressant, même. Bon, tu sais, je le dis, ah, OK. C'est pour ça, ils se dépêchaient à un moment donné, il faut faire une conférence de presse, là, puis on change des affaires. Okay. Ouais. Stéphane Hamel est le créateur de la CAQ. Bon, ben, on peut dire même. Comment il s'appelle, là? Monsieur qui a un paquet de CHSLD privé. Monsieur Sirouet. Ben, il y a ceux des cofondateurs, entre autres. Bon. Que savez-vous des abductions? C'est quand vous vous déplacez un os, on appelle ça une abduction. Non, c'est pas des sujets qui m'intéressent. Hein? J'en sais pas plus que ceux qui disent qu'ils en savent de quoi. C'est terrible. C'est toujours les mêmes acteurs, mais. Blé, Paul, avec mon idée est fait. Je suis de la vie de l'oiseau manqueur. Ouais, ben là, ils ont réussi à faire leur job et ils discréditent dans le fond. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sinon, eux autres ne seraient pas là. Je sais pas si vous voyez, là. Parce que ça marche, là. Hein, ça marche. Stéphane Blé, même lui, son témoignage est intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre comment les autres professionnels ont servi à censurer du monde, puis à être à seconder le gouvernement, dans le fond. Prenez comme lui, il explique, il dit, il y a un cas, un comptable, que lui, il a été trouvé sur son ordinateur des affaires que je parlerai pas parce que c'est sensible, c'est dégueulasse, puis il a été radié 4 ans. Lui, il fonde une fondation, il a été radié à vie. C'est horrible. Il y a de quoi là-dedans qui n'est pas normal, là. C'est vrai, là. Peu importe ce qu'on pense de lui, il reste que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Est-ce que tu penses que le fait qu'Amélie Paul et Amalega aient témoigné fait en sorte que la commission perd un peu de sa crédibilité? Ben, ça dépend, parce que c'est du cas par cas. Ça dépend de l'opinion de la personne qui a une crédibilité, qui croit ou pas, là. Mais moi, je trouve que ça discrédite au niveau des gens qui ont de mauvaises opinions d'eux autres, puis même le public en général, tant qu'à faire. Fait que oui, je pense qu'ils sont là pour ça. Moi, ça vient. C'est là que je me dis, ben, peut-être que oui, justement, ça pourrait faire de quoi. C'est pour ça qu'ils sont là. Sont là. Sont partout ce qu'il faut pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Sinon, ils seraient pas là. Hein? Les ordres professionnels sont pas mal corrompus. Ben oui, ben c'est à ça que ça sert. Juste, ben c'est pour faire, c'est pour créer une pression. Puis, je veux dire, comme en comptabilité, veux-tu même dire que ça vient faire? L'ordre des comptables agréés, qu'est-ce qui se mêlent? Ben c'est vrai que notre ministre de la Santé, dans le fond, c'est un comptable. Hein? Lui-même, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça paraît mal aux yeux de la population, ben. C'est sûr. Je dois y aller. Merci de ta pertinence le samedi matin. C'est pas idéal pour moi. Mes enfants veulent déjeuner. Bon, ben, c'est correct. Bonne journée. Donc, la commission est tellement importante et ces gens, on dirait qu'ils sont là en opération sabotage, moi. Puis c'est peut-être à leur insu. Ils sont pas peut-être comme moi, Malaga, François Malaga, je le pense pas mal intentionné. Je pense qu'il est un petit peu naïf au niveau de certaines affaires. Puis qu'il a servi à son insu, à discréditer. Tiens, mon là. Il se passera pas grand-chose aussi derrière nos ordis. Ça prend du monde pour faire face à comme personne. On est parfait. Moi, je trouve que chacun des lanceurs a une clé intéressante à défendre. Bon, à date, là. À date, là. C'était de la fanblée, Dan Pilon, Sam Granier, Dubé, Fitzgibbon, tout ce comptable. Ah, oh, Fitzgibbon est bien plus que comptable. Puis, il me semble que Dan Pilon, c'est pas un actuaire, ça. Je suis pas sûr, là. Ah, mais les gars, serait-il contrôlé par le haut de la pyramide? Ben, oh, qui l'est pas, par définition. Pourquoi on dit le haut de. Par logique, là. Division encore. Bon. Pilon, un comptable. Bon. Dans le fond, là, c'est pas. Je trouve que dans la commission d'enquête, il n'y a pas assez de monde ordinaire. C'est quasiment juste des personnes stigmatisées de complotisme. Non, c'est pas vrai, ça. Il y en a du monde ordinaire. Ben quoi. Il y en a eu là, des témoignages, il y en a eu pas mal. Il y a une dame notamment, là, son mari, il est mort, puis elle avait même pas le droit de. Voyons, là, c'en est du monde ordinaire. C'est parce que on met de l'avant ceux qui sont déjà connus, surtout. C'est ceux qui circulent, comme la militaire, là. Moi, je l'avais jamais vue. Je la connais pas. Mais bon. Amalega Bitondo, je le vois comme un agent. Ben, pas moi. Vraiment pas, là. Je pense que les meilleurs agents, c'est sûr que c'est à leur insu. Ça a tout le temps été de même. Bon. Non, il n'y a pas l'air. Il y a du monde ordinaire, oui, mais il y a une mise en avant du monde connu. Ben oui, c'est sûr. Amalega est, à mon avis, un excellent comédien. Oh, ouais. Ah, toi, tu as déjà vu des films camerounais? J'ai jamais vu ça, moi, un Camerounais excellent comédien. Je dis pas ça méchamment, là. Mais disons, c'est une autre façon de. Bon, c'est un des meilleurs. La clé qu'il y a quelque chose dans son regard que je file pas. C'est drôle, hein? Moi, je dis non. Ben, je n'ai connu des Camerounais, puis. Non, il n'y a pas l'air. Moi, je trouve pas qu'il a l'air d'un acteur, pas en tout. Puis. Il ressemble tellement à du monde que j'ai connu. Il est tellement là, même il est spontané hein, quand il répond. Puis, ça se peut-tu qu'au Québec, il y ait un petit fond de. Je ne sais pas, là. Mais moi, je vois ça comme la Révolution française ratée. Des Français, des francs-maçons, comptables, bourgeois. Ben, c'est dans le temps ce qu'on appelait les physiocrates. La théorie de. Puis bon, oui, ça, c'est par la finance. Ils ont commencé par faire venir un Écossais par rapport, comme après, quand il y a eu les États généraux avec Necker, puis tout, mais bon. Ouais. J'ai pas osé changer exactement. Moi, je parle des prémices là, de la Révolution. Ouais. Puis là, ouais, c'est ça. Oser changer exactement. Dans le fond, là. C'était quoi, non? Ah oui. Ben, le problème, c'est quoi un comptable? Au fond, un comptable, dans le fond, c'est quelqu'un qui chiffre des choses. Puis l'économie, c'est une science de la rareté. Puis un comptable, c'est quelqu'un qui synthétise le réel dans un système chiffré. Pas se voyez là. Il y en a qui sont sorciers sans le savoir. Il y en a qui sont kabbalistes sans le savoir. On est dans le monde un peu de la magie, là, mais pas la magie, la pensée magique, de la superstition des affaires, la vraie. Celle qui marche pour vrai. Avec un des chiffres sur un écran d'ordinateur, il y en a qui peuvent créer des catastrophes. En tout cas. Dan Pilon, vraiment pas capable. C'est clair que si jamais il témoignait, ça discréditerait sur un temps. Gros patelin de. Bon, on va rester gentil. Ben, je pense pas qu'il irait témoigner. Dès là, qu'il est question de certains sujets-là, attention là, disclaimer, puis il a peur. Mais il a l'air d'avoir, en tout cas. Lui, je sais pas. Des fois, je me dis, en tout cas. Faire attention à ce que je dis là. Mais lui, il en a diffusé des affaires de la commission. Il est remonté dans mon estime. Ça n'a pas l'air d'un mauvais bonhomme. Mais bon, il y a des côtés, il y a des travers, mais c'est normal. C'est comme tout le monde, c'est pas grave. Exactement, c'est le pire de la gang, moi aussi, je ne suis pas capable. Pourtant, il y a un paquet de madame qui l'aime. Il paraît que Pilon est exactement comme il a l'air. Un monon cochon que bon, qui a pas trop de filtre. C'est important ça. Tant que ça. De quoi on parle au fond? Je ne crois plus trop en des revendications politiques. Ben, moi, je n'ai jamais cru. Ben, c'est pas en ce sens-là. Là. Moi, je m'intéresse à la commission. Je crois pas à la commission, moi, je crois aux témoins. Puis à la diffusion des témoignages. C'est tout, là. Tout est pourri. Bon, ça me rappelle ça dans le temps. Les punks, le New Future. Dans le fond, c'est. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de présent. Pas de présent, il écrivait pas de futur partout. L'ancien ministre Bernier va-t-il passer à la commission? Je sais pas. Je pense pas, là. Pilon, je le trouve grossier personnage. Ben, moi, je l'ai pas assez écouté, ben, franchement. Ben, je suis pas capable. C'est pas que je pense que c'est pas que je l'aime pas, là, ou ben, tu sais, des fois, il y a des affaires, ça, on n'aime pas ça. Bon, ben lui, j'ai essayé de l'écouter, puis je passe à d'autres choses, c'est pas long. Là. Surtout, moi, là, quand, bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, ou je sais plus trop, puis là, il finit, bonjour, Manon, Gertrude, Ferdinand, Albertine, Blé, la fée d'Allô, ta pouette, ah, c'est quoi, Fédé, l'Allô, ok, vous jasez de vous autres. Dan Pilon fait son comique, mais il est une opposition contrôlée. Moi, là, vous rendez-vous compte à quel point l'effet de. L'affaire, là, c'est que. C'est quoi, dans le fond, de l'opposition contrôlée? Lui, tout, il est irradié, là. L'ordre des comptables, puis, tu sais, comme d'autres, là, c'est sûr, ils essaient de vendre ces Tower Garden, mais comme plein de monde, il est affecté au niveau pécuniaire, puis il gratte un petit peu pour essayer de rester dans. Tu sais, je peux comprendre, là. Là, de là à dire c'est de l'opposition contrôlée, là, c'est parce que cette notion-là, est en train de nuire, pas à peu près, là. Puis, on s'empêche de même de faire de quoi, justement. C'est là pour rester tout le monde. Il y a bien des madames qui l'aiment, je peux te le dire, dès qu'on le remet en question. Il y a des groupes enragés qui vont faire des crises de bégin. Ah oui, c'est correct. Hein? Ils l'aiment. Bon. On va pas être contre ça. Il y a son public. Comment qu'elle disait ça, Rose Ouellette? J'aime mon public, puis mon public m'aime. C'est un peu ça, monsieur Pilon. Si seulement j'avais l'autorisation de certaines personnes de diffuser nos conversations privées, des témoignages à Russie. Ouais, mais là, c'est tout. Tu sais, moi, à mes yeux, t'sais, parce que là, des fois, les agents sont peut-être pas où on pense. Les acteurs non plus. Fait que moi, je. Ça donne quoi? C'est à ce monde-là, justement, Chris, de faire une sortie puis de parler. Puis s'ils ont trop peur, puis blablabla, ça veut dire que c'est inconséquent par rapport à ce qu'on pourrait appeler le bien commun. Donc, bon, ben, si ce monde-là, ils n'ont pas les chenolles de témoigner ou de rendre ça public parce qu'ils ont peur ou qu'ils souffrent trop dans leur petit cœur ou blablabla, ça donne quoi, là? Ça donne quoi? Moi, tout, j'en connais des préposés aux bénéficiaires, puis ils témoigneront jamais parce qu'ils veulent garder leur job. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Moi, je les considère comme complices d'homicide par négligence. Mais les autres, ils s'en rendent pas compte. Disco Dan avec ses noms. Ben, moi, ça continue, là. C'est comme je dis ça se peut, comme maintenant. Si ça continue, je vais monétiser la chaîne. Vous prendrez Adblock. Vous me prendrez Adblock. Je ne fais pas grand-chose, là, mais rien que pour, tu sais, au moins YouTube, ils ont tellement de la façon qu'ils agissent. Maintenant, je me dis, bon, ben. En tout cas, David Lévesque, ton partenaire de vidéo, c'est quoi de l'opposition contrôlée? Je me souviens de David Lévesque qui avait fait une vidéo. Ouais, ça se peut. Mais. L'affaire, c'est parce que c'est des notions qu'une fois rendues dans le public, on devient paranoïaque. On devient paranoïaque. Parce que là, pour faire le profil psychologique d'un individu, ça prend certaines notions, une certaine expérience. Parce que si on garoche ces notions-là, puisque c'est mal intégré, après, tout le monde devient paranoïaque, tout le monde a de l'air de. Fait que là, on fait quoi, là? Moi, je me fie à d'autres choses. Je me fie à d'autres choses. Dans le sens que c'est pas assez de dire, ah, oh, ça, c'est de l'opposition contre le roi en instant. Il y a tout le temps un profil. En tout cas, mystère guerrière, on est. OK. Gardons notre sens de l'humour. Bon, moi, je ne l'ai jamais perdu. Bonjour, Denis. OK, vous parlant de vous. Radio Parano avec Laurent Doute. Vous savez du monde, je ne connais pas. Je ne connais pas, dans le fond. C'est comme Dan Pilon, je n'ai jamais bien écouté. C'est pas long que je décroche. L'autre, là, la plupart, je ne les connais pas. Ben, franchement. Donc, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, bon. Là, il est venu un troll, qui sortait mon nom. Ouais. Mais c'est comme l'oiseau manqueur, j'ai dit ce qui je pensais que c'était, puis tu penses pas que c'est lui. Moi, je suis sûr que c'est lui. Mais bon, c'est pas grave. Oui, on a vu hier. Moi, à la fois, là, je peux tout de sors mon nom. Si j'ai pris un pseudonyme, c'est pas pour moi, c'est pour mes proches. J'ai jamais fait ça, moi. Ah, il y en a un qui s'est échappé, il a donné mon nom pour se venger. Hey, moi je pardonne pas, hein. Ça dépend, là. Je peux pardonner dans mon petit cœur, mais dans au niveau technique, là. Puis non. Qui a bu boira? L'opposition contrôlée pour moi sont au minimum des gens formés longtemps d'avance. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a que. Ouais, là, ça dépend de quoi on parle. Là, je parle, moi, un agent, là, de l'opposition contrôlée, là, moi. Mais moi, ce que j'appelais de la fausse dissidence. La fausse dissidence, c'est quoi? Amélie Paul, Alexis Kossoupo. Amélie Paul. T'es sûr, là, qu'elle est formée, elle-là, là? Un peu, là. Cahier Louvain. Ouais, c'est. Christian Bolduc qui, Barano, qui répète tout le temps les mêmes choses à toutes les soirs. Moi, bon, je ne connais pas. OK, vous parlez de. Bon, mais j'ai pas le temps de vous lire, vous, Christian. En tout cas, oui, ça n'a pas d'allure. Quoi donc? Mais bon, non, toutes ces affaires-là. Le monde, bon, des fois, sont choqués que je parle de ces affaires-là. Parce que. Pourquoi il habiterait à Val d'Or? Qu'est-ce que ça vient faire? Hein? Moi-même, je ne suis pas là, là. Donc, bon, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je suis revenu? Pourquoi j'ai réouvert une chaîne? Parce qu'il y avait une crise sanitaire. Il y en a qui ne sont pas contents parce que c'est ça que souvent que je parle. Je parle d'affaires de même. Hein? Paul Grenier, puis Lomblé, Goyer, Crèvecoeur. J'aime pas cette gang-là, honnêtement. Ben, moi non plus. Ben, j'ai rien contre eux autres non plus, là. C'est une classe de la société qui n'a jamais fait partie de mon environnement. Ça me rejoint pas. Ben, si vous saviez. Si vous saviez. Dans le fond, c'est quoi des classes de la société? T'sais. Caillat Louvain aime bien taquiner. On l'a vu hier dans les commentaires, la vidéo de 5 minutes. Moi, ben, taquiner. Amélie Paul sur l'artistique, mais Cossette, c'est plus gros. On n'entend plus parler beaucoup. Ouais. Ben, moi, il y a des affaires, je trouve louches, là. Mais je garde ça. C'est pas de mes affaires, dans le fond, là. J'ai pas. Mais. Dans le fond, là. Tu sais, qu'est-ce que j'en sais? On appelle ça des agents, les oiseaux. C'est plate, là, comme sujet. Les hauts autoritaires n'en manquent pas beaucoup. sont déguisés en agneau, mais il y a aussi les agents qui ignorent qu'ils le sont moins. Mais là, que vous avez contre les autoritaires s'en prend, puis malheureusement, s'ils sont intègres, là, c'est des gens structurants qui offrent un cadre. Mais s'ils sont pas intègres, puis qu'ils sont malhonnêtes, là, ça devient autre chose, là. Mais moi, ce que j'ai aimé hier, Myriam Bohémier, c'est qu'elle a carrément dit, elle a dit, on vit, je considère qu'on vit maintenant dans un système totalitaire. OK, Pilon, Grenier, Crève-Cœur, Amalaga, Pilon, Cossette, hey, c'est tous des mantras que j'ai pas envie de faire. En vie, ils sont tous des oppositions contrôlées. Attention, là. On pourrait être surpris peut-être qu'après coup, d'ici 10 ans, on va se rendre compte qu'il y en a qu'on pensait que c'était ça, puis c'était pas ça, puis il y en a qu'on pensait que c'était pas ça, puis c'était ça. C'est pour ça, moi, je dis attention, là. Je ne pense pas trop qu'il y ait besoin d'opposition contrôlée. C'est un truc qui divise d'autant plus. Moi, je trouve que c'est surtout ça que je vois, c'est que la notion d'opposition contrôlée, ça rend paranoïaque. Puis ils servent de la paranoïa. Un peu comme dans le temps, là, la Securitate en Roumanie, ou bien les services, ils servaient de notions comme ça. Oser changer ou le simple doute qu'il puisse exister fait le job. C'est psychologique, hein? C'est une guerre psychologique. De toute façon, l'opposition est toujours opposée des gens qui n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Ouais. Ben, c'est une activité de compensation, être corrompu. J'admets que ce n'est plus vraiment le temps de piocher sur eux pendant la crise. C'était plus choquant. Je suis d'accord pour changer de sujet. Moi, ouais. Là, moi, je ne sais plus quoi. Samuel Grenier semble clairement. Là, ben, voyons donc. Voyons donc. Moi, lui, je le vois quasiment jamais. C'est un restaurateur qui est obligé de vendre son restaurant. Puis. Bon, il essaye de gratter un petit peu d'argent. Hein. Il essaye d'avoir le spotlight sur lui. Un petit coup. Bon, mais à part ça, c'est qu'il n'y a pas d'impact, lui, dans le fond. Hein? Il y en a plus que moi. Le cubain bouddhiste de Radio Trump. Ouais. Ben là. Ben moi, je comprends pas pourquoi qu'il en parle. Il n'en a pas parlé de la commission. Il a fait 4 émissions à parler des drag queens. 4 de suite, là. C'est louche. C'est très, très louche. C'est très, très étrange. Il aurait pu glisser un petit mot, dire quelque chose un peu, rechecker certains témoignages, dire on en apprend, blablabla. Puis, Chris, je trouve pas ça normal. Ben, franchement, je trouve ça louche. Il sème le doute après la paranoïa. Ah, je m'aime moins. S'occupe du reste. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et checker le nom. Ouais. Ben, l'affaire. C'est le même, hein, je veux dire, j'ai vu du monde virer complètement paranoïaque. Complètement paranoïaque. Puis c'est avec des petits détails. Puis après, c'est comme on sème des graines. C'est pareil que pour, dans le fond, la même façon que pour réveiller quelqu'un, c'est la même chose pour le polluer. C'est des petits détails. Puis après, la personne en roue libre, elle-même, elle va. Elle fait la job toute seule. Puis il y en a, ils virent fou. Fou. Ils sont déjà tous contrôlés, le gouvernement n'a même plus besoin de. Moi, ouais. Ouais, je ne les écoute plus depuis un très bon moment et c'est bien correct. Ouais. Mais moi, je ne les ai jamais vraiment écoutés. Il y en a que je surveille parce que je suis curieux. Je suis curieux, je regarde ce qu'ils vont dire et puis je passe vite, là. Des fois, je me saoule là, j'augmente la vitesse puis. Où je regarde les titres, puis il aime le Kodak et Spotlight sur lui. Il va vous parler. Oui, c'est très louche que Grenier fait 4 vidéos de ça. Non, c'est pas Grenier, c'est Cossette Trudel. Bon, là, je suis obligé de nommer. Vous me faites nommer du monde. Alexis Cossette Trudel, il a fait 4 vidéos de suite sur les drag queens, puis il n'a pas dit un mot sur la commission. Pas un mot. Puis là, il nous parle rapport Durham. Trump, Trump, Trump, Trump. Trump, Trump, Trump. On est hostie que j'ai haï les Américains sans joke, là. Hostie que c'est un problème. Vraiment, là. Christ que j'ai. Ben, je devrais pas dire ça, là. Hostie que j'ai haï. C'est quand qu'on va hostie s'occuper de ce territoire-là ici? Calisse que je t'ai. Bon, faut pas. Je m'excuse. Bon. Parler de position contrôlée, c'est autant un sophisme que traiter le monde de complotisme, moi. Ben, ça revient au même. C'est comme le point Godwin. Il y a une forme d'invalidation de facilité argumentaire. Exactement, le rapport du. Ben, oui, c'est vraiment louche qu'il ne parle pas de la commission. C'est plus que louche. Hey, il est allé même. Ah non, il a vraiment exagéré, là, quand c'était l'affaire des drag queens. Ben, c'est comme du M. La même affaire que du M. Du M, c'est les drag queens, drag queens, drag queens. Pas un mot sur la commission. Il y a de quoi qui marche pas, là. Mais du M, on sait que. Je veux dire, moi, je l'ai écouté à la radio, puis. Et il était chef, lui, des jeunes libéraux. Dans le temps. Ouais, Alexis Cossette d'Alice Bank Trotron, c'est l'idolâtrie rendue là. Moi, malus parce que. En tout cas, Alexis joue la game depuis 3 ans. Souvenez-vous de l'histoire de ses parents. Ouais, c'est parce que l'affaire, la FLQ, il y a des affaires, c'est déclassifié, puis on sait que. Parce que je pensais, maintenant, ça s'est confirmé, parce qu'il y a des affaires qui ont sorti, mais. En tout cas, j'ai tellement appris de choses sur eux. Bon, pour moi, ils sont très. Chris, c'était des affaires, sors-les, Chris. Ou parle-en pas. Dans le fond. Parce que ça va nuire. Parce que là, on est là. Ah, oui, il y en a un que. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Ben, moi, ils sont tous traîtres, les plus connus. C'est quoi de traître? C'est quoi qui fait quelqu'un. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça va être. Infertile, ça va être stérile. Bon, en même temps, chacun y va avec sa névrose. Bon, un instant, là. Oh. Au fond, ils sont tous branchés sur les drag queens car ils le savent qu'ils doivent faire passer leur agenda. Ça fait partie de leur plan macabre. Regardez, moi, si je suis dans une région éloignée, puis les enfants n'y envoient pas de drag queen, puis il n'y en a pas de drag queen ici. Mais des hosties de mesures de malades, il y en a eu. Puis du monde mort d'un CHSLD, il y en a eu. Puis du monde qui se sont suicidés, il y en a eu. Puis du monde qui ont fait faillite puis qui ont tout perdu, il y en a eu. Je m'en calisse, hostie, des drag queens à Montréal. Je m'en fous. OK? Il n'est pas là le problème. C'est une diversion. Tandis que toutes les morts qu'il y a eu, c'est à la grandeur de la province. C'est à la grandeur de la province. Puis ça, c'est du trouble réel. Je veux dire, c'est pas juste. OK? Il n'y en a pas de drag queen ici, sacrément. Puis dans la majorité du Québec, il n'y en a pas de drag queen. Il n'y en a pas. Par contre, des crises de mesure de style sans dessin de manger une marde, il y en a eu. Il y en a eu. Puis ça continue. Ça continue. Puis il y a encore des places, esti, le monde, il se promène avec des masques dans la face en pleine rue, Chris. Puis c'est bien pire que des drag queen, sacrament. Puis là, c'est ça, moi, que je dis. C'est ça, moi, que je dis. C'est une crise de diversion. Il n'y a pas un Chris d'enfant ici, autour, qui est traumatisé par des drag queens, puis qui va avoir des troubles d'identité, puis de la dysphorie de genre par des drag queens, sacrément. C'est pas pour rien que je ressuscite. Puis si ça continue, je m'en vais à Temple, au Texas. C'est là, m'aller vivre, esti, tellement j'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul. J'ai l'impression, esti, que le monde sont moins obsédés par Trump là-bas qu'ici. Sacrement. OK. Là, je n'ai manqué un peu, là. Je m'excuse, là. Sommes-nous rendus à la nouvelle? Là, je n'ai perdu un peu. Mais Chris, ça va faire. Ah non, le viol de tous les enfants dès la naissance, prescrit par. Effectivement, rester dans le réel de ce qui nous entoure est plus constructif. On est au Québec, c'est. On est au. Je m'en calisse de Trump. Je m'en calisse de cet hostie de cave-là. Hostie que je l'ai jamais. Je veux dire.

L'université Oxford. Il vient d'où l'eugénisme? Ça vient d'où ça, l'eugénisme? Ben franchement, là. Ouais, c'est sûr, je me choque, mais c'est parce que Chris, on est rendu dans un monde inhumain et on s'en rend pas compte. J'en ai des proches qui sont morts. Ils sont pas morts à cause de la pandémie, ils sont morts à cause des mesures, sacrement. Ils sont morts à cause des mesures. J'ai une de mes tantes qui a demandé l'aide à mourir, j'y ai parlé avant. Elle n'est pas morte parce qu'elle avait une maladie dégénérative. Elle est morte parce qu'elle était suicidaire et n'était plus capable de lui crise de mesure où ce qu'elle était. Mon beau-père, il a fait je sais pas combien de CV en ligne. Il était rendu l'ombre de lui-même. Au funérailles, on n'avait même pas le droit de se serrer la main. On était au salon funéraire assis sur des chaises séparées par 1 mètre, là, puis on n'avait pas le droit d'enlever notre masque. Câlisse de crise de tabarnak. François Legault. Christian Dubé. Hostie que je vous haïs. Gang d'hosties, c'est eux autres les traîtres. Chris. On va-tu. C'est. Puis là, vous voulez me faire accraire 98% le vote de confiance. Hostie de Christ, c'est pourri mur à mur, on le sait. C'est eux autres, hostie, qui tuent vos enfants puis ils tuent vos parents, sacrement. Pendant ce temps-là, on est assassiné. Lui, c'est de l'opposition contrôlée. On est-tu rendu pas de cœur? Est-ce qu'on est rendu des hosties d'ordinateur? C'est-tu l'intelligence artificielle qui pense à notre place? Et où? Il est où le côté humain? On a de plus en plus ça va, moi, on a le droit de s'appeler des humains. Moi, on a le droit de s'appeler des humains. Tout le monde qui a fermé le gueule, vous êtes complices. Tout le monde qui a vu ces affaires-là puis qui n'ont rien dit, vous êtes complices. Voyons donc, c'est l'évidence même. Pourquoi j'ai réouvert une chaîne? Pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'en ai parlé le plus possible? Parce que j'avais pas le choix. Je suis pas capable de faire autrement. De la même façon qu'il y en a qui on dirait qu'ils n'ont pas le choix, ils sont pas capables de faire autrement que d'être des hosties de tas de marde. Tellement qu'on vient qu'on leur en veut pas. Je me dis, ah bon, on a un lexique pour ça. C'est de la programmation. C'est de l'inconscience. C'est pire que de l'inconscience. C'est bien pire. Si c'est le mal. C'est des forces du mal. Puis je ne parle pas au sens théologique, là. Ça va plus loin que ça. C'est des forces de mort. Le monde de la mort. Ceux qui gèrent la vie par la mort. Il vient de là, l'eugénisme. Il vient de là. C'est quoi l'intellect, au fond? L'eugénisme, ça n'avait pas le choix d'aboutir à. Ça pouvait pas. L'intellect, ça n'avait pas le choix d'aboutir à ça. Voyons donc. Pourquoi qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle est devenue. Ils se sont rendus compte que c'était l'intelligence artificielle par elle-même, elle devenait fasciste. Parce que c'est de l'intellect artificiel. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intellect artificiel. C'est pas pareil. Voyons donc. Fait que là, à un moment donné, Chris, on est rendu les drag queens. Sacrament. Les drag queens? C'est pas les drag queens, esti, qui ont tué mes proches? Calice! J'en ai rien à foutre! Comment est-ce qu'on peut faire, esti, 4 capsules en ligne là-dessus? Tandis qu'il se passait des affaires, c'est tellement plus important. Ici, pas à Washington. J'en ai rien à foutre des Américains qui s'arrangent. Ils ont d'autres décrissé tout. Voyons donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je m'en fous. Je m'en fous. Voyons donc. Oh là, Melania Trump, on s'en fout. OK? Moi, en tout cas, c'est pas normal qu'on s'en fout pas. C'est pas normal. Il y a de quoi qui marche pas. On était conditionné à regarder là-bas, là. Sont pas si importants que ça. Pourquoi? Ce qui compte, c'est ici, notre pays, nos familles. Car, lisse qu'on est épais. Ça me rend... Je viens tellement en colère. Ça me met tellement en colère. On perd tellement d'énergie. Je veux dire... Ils craignent le monde, clac, puis ils y tournent en rond. On dirait des petites bébites mécaniques. Voyons donc. C'est dans notre face, c'était là. C'était là dans notre face, puis le monde n'ose rien dire. On est mieux esti de crever avec notre dignité que de vivre longtemps dans l'indignité. C'est quoi cette mentalité-là? C'est quoi cette mentalité-là? Je ne comprends pas, là. On va tout y passer pareil. Pas si ça continue. Il faut aussi bien de faire ça, de leur rendre la tâche plus difficile, me semble. C'est pas normal. Voyons donc, on n'a plus... Il n'y a plus de... Tu sais ce qu'on appelait... Ben, il n'y a plus de valeur. Je comprends même pas, moi, que ça puisse exister, les CHSLD. Il y a des places, là, les vieux sont tellement négligés, ils ont des verres entre le palais et leur dentier. Des petits verres blancs, là, le lendemain, là. Moi, au Québec, là. Au Québec. Il y a du monde, là. C'est pas normal, l'asti. Un peuple qui agit de même, il ne mérite pas de survivre. Il est en train de mourir, puis c'est des lois naturelles. C'est des lois naturelles. Un peuple qui place ses parents, du monde qui place leurs parents dans des places de même, là, puis qui s'en occupe pas, puis qui ne vont pas voir, puis qui ne font rien, là. Coudon, va-tu falloir, c'est quoi là? Faut-tu revenir comme au 19e siècle puis aller couper des petites branches de bois vert? C'est ça qui a manqué? Je comprends pas, vraiment pas. Je suis dans un monde que le monde est fou, je veux dire. C'est de la folie, là. J'en connais une préposée aux bénéficiaires à me compter des affaires. Puis je comprends même pas pourquoi qu'elle reste là. Je comprends même pas pourquoi qu'elle pourrait être une vraie lanceuse d'alerte. Une vraie, là. Mais non, le monde dehors. Un petit gang de lâches. Tous ceux qui ont formé le gueule. Tous ceux qui ont obéi sans rien dire, là. Désolé, mais quand Bertel pète une coche sur les boomers, j'ai subitement le goût de faire le party. Mais l'affaire, c'est que c'est pas des boomers tant que ça, là, ils sont pas tous. Mais il reste qu'il y a eu un conditionnement. Puis ça vient d'où? Ça vient du Sud. Puis de l'Angleterre et tout. Ça a été pensé, ces affaires-là. Ça a été pensé. Voyons donc, ils ont été corrompus. Ils ont corrompu la jeunesse de ce temps-là, puis la jeunesse d'après, puis la jeunesse de... Hein? Regardez Bill Clinton, c'est MTV qui a fait élire Bill Clinton. C'est pas de la corruption de la jeunesse, ça? Hein? Sacrement que j'ai zaï. Mais c'est après, ben non, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire la même affaire au Québec? Fait que là, ils ont fait musique pute. Il y a du monde, ils venaient chez nous. C'est pas pour rien. En 2005, entre autres, je me suis débarrassé de la télé. Le monde, ils venaient chez nous, puis ils me mettaient à TV à Musique Plus. Je dis, tu vas farmer ça ou tu vas changer de poste. Maudit Musique Plus de marde. Calice de Chris. Hein? Bon, je vais en lire un peu. De toute façon, je t'avais d'aller décompresser. Je pense que la solution à tout ça, c'est de créer un parallèle de cette pourriture de monde à un autre monde meilleur. Ça commence par un travail intérieur. Bon, on n'est pas loin du nouvel âge, là. Tu sais, je veux dire, ça ressemble à ça, là. Désolé. Non, non, je pense pas, moi. Je pense qu'il y a des choses qui doivent arriver, que notre monde est en train de mourir, puis on ne pourra pas l'empêcher. Vous pouvez le faire, essayez, allez-y. On ne peut pas être contre la vertu. Mais qu'est-ce qui est écrit? Car ces choses, il faut que ces choses arrivent. Moi, je ne peux pas me battre contre ça, là. Je peux juste en tant qu'individu passer le test en me laissant pas faire par restant intègre. Puis comme ça, même que ça tombe, ben peut-être que nous autres, on tombera pas, puis après, on verra. Ça ne pourra pas être de même éternellement. Ça ne pourra pas être de même éternellement. Ça se peut pas, c'est pas viable. À moins qu'il y ait des imprévus, des... Mais il reste qu'on s'est fait tellement avoir, puis ça fait tellement longtemps que ça dure. Même moi, je vais tout le temps me rappeler, je n'ai connu du monde quand j'étais tout petit, là, du monde qui aujourd'hui, il serait tellement âgé que c'est impossible qu'il soit encore vivant. Il me dit, tu ne faut pas croire, t'as dit qu'à la télévision. C'est... Il savait. Je me rappelle même une, elle disait, la télé, là, ça sert à quoi? Ça endort. Elle allumait la télévision, la vieille dame, a dit, si je veux me dormir. Quand ça a commencé, la télévision, le tube cathodique, c'était un physicien qui est lié à ça, c'est Crook. Le monde, il y a eu une panique de ce qu'on pourrait appeler des complotistes, du monde qui disait ça va servir à hypnotiser les masses. Ils se faisaient être tout fous. C'est des complotistes. Ben, même ça, là. Mais l'affaire qui est différente aujourd'hui, c'est que je peux faire mon émission. C'est ça que je fais. Puis, bon. Peut-être que je ne réveille pas, au fond. L'affaire, c'est que j'amène le monde dans mon cauchemar à moi. Hein? C'est un petit peu ça, là. Je m'excuse, là, je l'ai manqué des bouts. Là. J'ai pas tout lu, puis bon. Ben franchement, juste de penser à tout ça, ça m'enrage tellement. Ben moi, bon, à un moment donné, il y en a dit, oh, je suis plus capable d'être négatif. Ben ça veut dire que t'es pas capable de transmuter l'énergie. Moi, ça... Que ça soit négatif ou positif, de l'énergie, c'est de l'énergie. Je peux convertir, puis je vais être de bonne humeur pareil. Je vais être de bonne humeur pareil. Bon, moi, j'écoute plus la télé depuis 2014, mais depuis 2019, j'en écoutais. Pas vraiment non plus. C'est de la merde. Ben oui. Moi, c'était en 2005. En 2005, j'ai mis la TV aux poubelles. Je l'ai mis aux poubelles. Je suis allé à la compagnie de câble. J'ai dit, vous me coupez le câble aujourd'hui. Il dit, ben là, vous avez payé pour le mois, là, on va le couper. Je dis, non, j'insiste, aujourd'hui. Vous allez couper le câble aujourd'hui. Bon. Puis finalement, j'ai pris la télévision, je l'ai mis aux poubelles. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais vu de quoi avec Benoît Tranchemontagne. Benoît Tranchemontagne. J'étais tellement tabarnak, j'ai dit, là, ça va faire. Là, ça va faire. J'accepterai pas ça. Puis ça a été. Moi, ouais, ça a été plus que salutaire. Ben, dans le sens, pas que la TV, je l'écoutais tant que ça, mais ça m'a fait tellement du bien. Puis dans ce temps-là, j'avais même pas Internet, moi, en 2005. Moi, j'ai pas eu Internet avant 2011-2012. J'avais pas eu d'ordinateur dans ma vie avant 2008. Puis j'ai jamais eu de cellulaire dans ma vie. Je sais pas si y en a qui connaissent le néoludisme, les néoludites. C'est un mouvement qui est apparu à l'époque de l'ère industrielle qui était, bon, et, moi, il y a une petite influence de ça chez moi. Moi, j'aurais voulu vivre un peu comme les Amish. Mais eux autres et tout, ils vont finir par. Souvent, ce qui arrive avec les Amish, c'est quand ils arrivent autour de 16 ans, ils veulent conduire un auto. Ils veulent leur permis de conduire, puis c'est ça souvent qui fait qu'ils quittent les Amish. Fait que j'ai résisté à ça et tout. On veut pas d'auto. C'est pour ça que quand il y a des petites gauchistes là, qui viennent là, ah, l'empreinte carbone, puis tout, ah ouais, sais-tu que j'ai planté des centaines d'arbres dans ma vie? Que je bouge pas de chez nous, j'ai jamais eu d'auto, que je voyage pas. Non, viens pas me parler d'empreinte carbone, toi. Hein? Parce que si on se met à regarder ça, là. Qu'est-ce que tu dis, l'oiseau? La télé, les émissions de radio, aux heures de pointe, me rendent agressif, c'est fait de même. Mais moi, je te rends pas agressif. Eh ben. Je pense que nous sommes dus tous pour la dévirtualisation de notre psychisme. Bon, c'est du virtuel. L'intellect, c'est quoi? Dernièrement, c'est quoi je disais? Il y a le monde du réel, c'est le monde des choses. Puis il y a le monde des. Hein, qu'est-ce qui fly? Qu'est-ce qui fly? C'est pour ça la philosophie aussi, à un moment donné. Je finis par me rendre compte. Voyons donc. Ce qui compte, c'est de savoir planter des patates. As-tu besoin de savoir d'autres choses? D'autant que ça. Regardez où ça nous a mené la connaissance. T'es rendu, il y a des enfants, ils viennent au monde, ils sont allergiques à tout. Au lait maternel. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Ça, c'est grâce à la science et à la connaissance. Je suis d'accord que, comme par exemple, dans le temps que les corps étaient sacrés, qu'on n'avait pas le droit de les ouvrir, il y a du monde qui crevait de crise d'appendicite, ça n'avait pas plus d'allure. D'abord, un juste milieu. Voyons, il y a la science, puis il y a la science. Il ne faut pas que ça devienne une folie. En tout cas, le problème, c'est que tout système. J'allais dire de quoi, là. Mais bon. Le problème, c'est que les lois de la thermodynamique, ça s'applique à d'autres choses aussi, notamment à l'économie. Bon. Donc, on est dans une forme de consumérisme, c'est vrai. Mais ça a été voulu comme ça. Ça a été voulu comme ça. C'est une planète de vampires ici. L'énergie, il faut la prendre quelque part. On n'est pas encore. Les corps sont pas alignés, on se nourrit pas. On prend un tube en verre, on met un haricot dedans avec un petit peu d'humidité, puis on ferme le tube hermétiquement. Un petit tube de verre, là, bromosilicate. Puis le haricot se développe. Il germe. Puis, savez-vous qu'il va prendre de la masse? La masse, ça vient d'où? Elle vient d'où la masse? Ça pourrait être pas pire de se faire un livre, un live en gang à un moment donné pour mettre en place Bertolt et Chris Afropa. Surtout en direct. Un affaire, moi, qui m'a tout le temps servi, c'est la répartie. Moi, j'étais pas intimidé longtemps à l'école. Hein. Je répondais tac au tac, bang. Même les professeurs, ils avaient peur. Ils savaient jamais ce que je vais leur sortir. À un moment donné, moi, j'ai connu ce qu'ils appelaient FPS, Formation personnelle et sociale. À un moment donné, ils ont essayé, c'était déjà commencé, l'agenda. À un moment donné, le prof a dit, savez-vous ce qu'est une lesbienne? C'est comme si on était des épées, quand même au secondaire, là. Puis tout de suite, j'avais répondu, c'est une madame avec une coupe Longueuil. toute la classe marée. Le prof a l'air d'un épais. Tu sais, genre, tu nous prends pour qui, là? Un espèce de gros tata. Que on aurait pu y en montrer. On aurait pu y en... Voyons donc. Est-ce qu'on met que les jeunes sont éduqués par des épées? Ben franchement, puis c'est bien pire à cette heure. Ils disent, c'est quoi qu'ils disaient dans l'autre jour? Il y a un professeur sur quatre qui n'est pas... Moi, je pensais 3 sur 4. 3 sur 4. Moi, dans mon temps, c'était 3 sur 4 qui était incompétent. Imaginez maintenant. Hein? Moi, c'était une coupe japonaise. Une coupe. La répartie. Mes ex n'aimaient pas ça. Ben, moi non plus. Ben, ça dépend. Mais quand il y a de la chicane, non, ils n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas ça. Je suis pas drôle, hein, quand... Mauvais caractère, puis en plus, je peux être borné. Je suis tête de cochon. Terriblement. C'est même sur l'enfer, tête de cochon de même. Mais c'est drôle, moi, les souvenirs que j'ai de l'école. Des fois, moi, je n'aimais pas ça. Puis des fois, aujourd'hui, je m'ennuie. De ce temps-là. Ça m'arrive. On avait du fun pareil. On avait du fun pareil. Il y a un de mes amis, aujourd'hui, il y a une entreprise en construction. On était, je me rappelle, ça c'était au primaire. On était assis en avant, là, il fallait se réunir d'une salle. On s'assoit tous dans une espèce de gymnase, puis une petite scène. Il était venu un gars, tu sais, qui fait genre de l'animation. Là, c'est. Ça fait longtemps, là, c'est au-dessus de 30 ans. Puis, on était assis en avant, nous autres, puis le gars, il arrive, puis il joue un personnage, une espèce d'imperméable avec un chapeau. Puis, l'autre qui était à côté de moi, un de mes amis de ce temps-là, m'a amené, il dit au gars, « Hey, viens-t'en! » Puis là, le gars, lui, il a de l'interaction avec le public, puis là, il s'approche, là. Puis il se penche vers nous autres. Puis tout de suite, l'autre, il le regarde et dit « T'es super mauvais, on s'ennuie, on a honte pour toi, va te cacher. » Un gars dans le début de la vingtaine qui devait faire l'école de théâtre. La face, il a changé, il était détruit. Il a passé le reste de son petit spectacle pour enfants, il était complètement désarçonné. Il était plus capable. Il était plus dedans, là. Il avait changé couleur. Mais moi, j'étais tout le temps ami avec les pires. Ouais. En tout cas, mais maudit que j'avais ri. On avait tellement ri. C'était vrai que c'était plate puis qu'on s'ennuyait. Puis là, lui, il a rendu ça intéressant. Là, c'était drôle. Là, on a eu du fun. J'étais pas... On était un petit peu méchant. Hein? C'est ça quand tu t'ennuies. C'est pour ça que je trouve ça dangereux, moi. C'est plate, l'école. C'est dangereux. Après, ça demande pourquoi les jeunes vivent mal. Ma gang du secondaire, on a continué à se voir. C'est devenu une famille. Oh, moi, je veux plus y voir, par exemple. Je pense que c'est réciproque. On a pris deux chemins différents, pas mal. Mais c'est correct. Il y en a un ami, c'était mon meilleur ami depuis la première année. Puis j'avais rejasé avec vers 2012. Puis tout ce que j'avais prédit quand on était ados, c'était, il est arrivé. Il avait fini en prison. Puis je me suis rendu compte, je ne crissais pas changer. C'était un esti de cap, finalement. Puis à un moment donné, j'avais écrit... Ôte-toi de mon soleil, j'ai coupé le pont-bac. C'est fini. Il faut être pas chalé, pareil. Je me suis toujours senti en prison comme si on voulait nous endoctriner. Quand j'allais à l'école, présentement, je vais à l'université et je constate qu'on veut nous endoctriner. Ben oui. ça, là, le woke, puis toutes les affaires de woke, puis tout, là, ça fait partie des ce qu'on pourrait appeler les réseaux néo-trotskistes des écoles. Ben, moi, je le vois de même. Regardez juste No God du beurre, là. Nabo Dubois. Et là, là. Elle est partie, là, Manon Chose, là. Comment elle s'appelait? Là? Je me rappelle même plus de son nom. En tout cas. Ouais, les genres de cours de prévention qu'on avait à l'école, c'était fait par des personnes qui venaient de découvrir les sujets il y a un an, comparé aux trois quarts des jeunes qui en savaient plus ou moins, oui. Qui est ça qui est néo-nazi? T'es mieux de répondre. Ce sont des fanatiques. Ouais. Ben, moi, je trouve qu'il y en a moins à cette heure. Quand j'étais enfant, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, notamment ici. C'est drôle parce que eux autres chialaient contre des affaires qu'il n'y en avait pas. Ils étaient juste choqués. Bon, je vais devoir cesser, là. Manœuvre massée, c'est ça. C'est ça. Et là là. J'ai travaillé un petit peu dans le communautaire. J'ai réveillé une couple. Ils vont bien maintenant. Le mouvement woke, ça me fait passer aux techniques de subversion utilisées par le KGB des années 70. Ben. Ça, je vous dis, il y a le monde du réel, il y a le réel, c'est-à-dire les choses, le rapport entre les systèmes, les échanges d'énergie, la mécanique, bon, puis il y a ce qu'on pourrait dire un petit peu, entre guillemets, l'astral, c'est-à-dire le monde des idées. Toutes les idéologies sont dangereuses. Parce que c'est pas réel. Une idéologie, c'est pas réel. Le réel, c'est technique, c'est mécanique ou c'est pratique. Les théories, là, non, non. Une théorie, elle sert à rien s'il n'y a pas de pratique pour la défaire ou l'améliorer. Ou bon. C'est pour ça que ben, c'est comme aux échanger l'autre jour. Ah, OK, il aimait ben Spinoza. Moi, c'est une pensée géométrique, hein, Spinoza. Pis, mais je le considère pas comme. Je repense à ça. Je suis pas un philosophe. Je le considère pas comme un philosophe des Lumières parce qu'il est moins idéologue, dans le fond. Pour moi, des philosophes des Lumières, c'est comme Rousseau, c'est comme Voltaire, les encyclopédistes. Tandis que Spinoza, je le considère comme un rationaliste du 17e siècle, comme Descartes. Un peu. Quand il n'y a plus possibilité de débattre, on se faire entendre, de faire valoir son point, je pense qu'il faut passer à autre chose, à créer ce qui nous reflète à l'intérieur. Ben, c'est tout ce qu'on fait nous reflète l'intérieur. La séparation entre l'intérieur et l'extérieur est une illusion. Ça fait partie de l'irréel du monde des idées, ces affaires-là, d'opposer l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui pense qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui est transparent, les autres deviennent transparents. C'est un peu comme l'autre là, qui était le troll qui était venu me dire « Tu devrais dénoncer un tel, puis un tel. » Je m'en vais répondre « Non. » Tu ne m'auras pas, toi, là tu essaies de me faire me chicaner avec tout le monde. Tu penses je te vois pas? Voyons. Hey, j'ai pas le temps de voler, Mimi. J'ai essayé de lire le magnétisme animal de Hegel, mais j'ai compris à peine la moitié. C'est bien compliqué. Ben non. En plus, je suis tout petit. Un petit livre de rien. Comme quand il parle, il dit « Le fœtus est un vampire ». C'est un petit peu drastique comme vision, mais c'est parce qu'il voit... Ça, c'est s'il regarde le fœtus comme séparé de la mère en même temps que non, c'est une... Il y a une symbiose encore. C'est pas vrai que le fœtus vampirise la mère, voyons donc. Mais là, Bon, ben, moi, je l'ai, le magnétisme animal de Hegel. Il est dans mon entrepôt. J'aimerais bien ça un jour. Justement, là, il va falloir que je paye le. Il me coûte cher, cet entrepôt-là. Ah, là, c'est pas grave, là. C'est pas grave, on est capable. Ben, c'est-tu que j'haïs ça. J'ai ça à payer. Bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Pinard. Bon, ben moi je vais y aller avant de dire trop de niaiseries. Donc, bon, ben bonne journée à tous. Au revoir.